et bonsoir. Bonsoir. Et salut, salut Saint-Étienne. Du coup, on est dimanche 16 février, il est 19h et c'est la troisième de Comme un ouragan. La nouvelle émission qui est là tous les troisièmes dimanches du mois. Et comme toutes les nouvelles émissions, il y a des petits couacs de temps en temps. Du coup, l'émission qu'on devait faire tout de suite est reportée au 15 mars prochain. Ça causera histoire des émigrations à Saint-Étienne avec Leila Ben Sharif et d'autres copines invitées pour causer un peu de leur vécu et de leur implication dans le collectif contre l'islamophobie. Ça va être une super émission, mais ça sera le mois prochain. Et pour aujourd'hui, je passe la parole pour présenter ce qu'on vous propose pour ce soir. Oui, voilà. Alors, on vous propose, on va écouter un petit long entretien, ou petit, en fait, c'est pas si petit parce que c'est à peu près, ça dure une heure. Et en fait, c'est une personne qui raconte son expérience en tôle, bon, plus. Ce que ça veut dire dans des maisons à arrêt pour femmes. Et ça raconte ses liens affectifs, amicaux, sexuels, amoureux. Et en fait, cet entretien, on a fait avec cette personne, avec un petit groupe anticarcéral. Et on a déjà fait des écoutes collectives. Et moi, on trouve ça important, intéressant, parce que c'est, en fait, c'est des voix ou des paroles on n'entend pas souvent. Et voilà, ça nous offre un petit vécu personnel d'une personne qui raconte son vécu, comme j'ai déjà raconté. Et parce que souvent, si je trouve, il y a un imaginaire comment ça se passe ou que un peu tout s'arrête, les gens ils sont en tôle. Et en fait, là, ça raconte comment ça, en tout cas pour cette personne, c'est passé comment être en relation avec des personnes, avec des matons, avec plein de choses. Voilà, on va écouter ça maintenant. Et après, on recouse un petit peu. Mais voilà, bonne écoute. Bonne écoute. On parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Voilà, je suis Solène. J'ai fait une longue peine de tôle dans plusieurs établissements différents et des centres, enfin des pour femmes en fait. Et du coup, peut-être je me présente un peu genre sur mon identité globale. C'est genre en fait moi, du coup, je suis un mec trans. Au niveau de ma sexualité, je suis bi. Voilà, en gros, c'est ça. Et le truc, c'est que je pense que, quoi qu'en disent les psys et la société, moi, j'ai toujours été comme ça et que c'est pas dû au trauma dans ma vie qui font que ma sexualité elle a été orientée. En fait, ça, c'est sûr et certain. Ni mon identité de genre. C'est plutôt que le fait de vivre des violences en tant que personne née avec un vagin fait que ça a plutôt foutu la merde dans ma tête sur mon identité et dans ma sexualité. Voilà. Mais ça n'a pas orienté quoi que ce soit. Je suis pas sortie avec des meufs parce que j'ai été violée et que du coup je supporte plus les mecs, quoi. Voilà. Du coup quand même. Je pense que déjà dès l'école en fait on peut voir comment l'institution elle genre vraiment les personnes d'un côté binaire, et ça du coup c'est encore plus exacerbé en tôle, mais déjà ça commence à l'école en fait. Donc il y a plein de violences qu'on peut recevoir sans comprendre à quoi ça correspond socialement. Et du coup, je trouve que moi, le fait d'être allé en prison, ça m'a aidé à comprendre en fait ça, que en tant que personne avec un vagin, tu n'as pas de sexualité, t'as pas de désir réel. En tout cas, ça va pas faire en sorte que ta frustration mettons, t'es frustré sexuellement, ben ça va pas faire en sorte dans la tête des juges et tout ça que tu vas avoir de la violence, en fait. Par contre, un mec qui sera frustré sexuellement, on va complètement comprendre qu'il devienne violent, qu'il viole, qu'il tout ça. C'est admis, en fait. C'est un truc qui est admis. Et moi, c'est la prison qui m'a fait comprendre ce truc. Il y a 20 ans, déjà, on parlait pas autant de genre, on parlait pas autant de... Enfin, en tout cas, de où je suis, c'est-à-dire de Brest, du bout du bout. Ça, c'était pas du tout une évidence de se rendre compte que, bah ouais, il y avait d'autres personnes qui sortent avec des femmes ou qui avaient des sexualités multiples, variées, un genre qui, voilà, sur les genres, en tout cas, c'est sûr que voilà, c'était pas aussi commun que maintenant. Enfin, je veux dire, en fait, maintenant, on a quand même accès facilement à des informations, tout ça, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc moi, quand je suis arrivée en prison, je sortais avec un gars, avant, un peu par souci de normativité, quoi. Enfin, je pense qu'il y avait ce truc d'être déjà exclu de ma famille, clairement. Clairement, de toute façon, voilà. J'ai été virée de tous les collèges et lycées. Enfin, je veux dire, j'ai pas pu finir ma scolarité correctement. Je trouvais pas de taf, je savais pas ce que je foutais de ma vie. Je trouvais ce monde dégueulasse, dégueulasse à crever. Et du coup, pour moi, c'était évident que, en fait, fallait que je me moule le plus possible parce que sinon, j'allais finir dans un caniveau, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, je sors avec ce gars-là, tout ça, machin, qui avait plus de 10 ans que moi. Du coup, tu disais que tu avais déjà eu des relations avec des meufs. Ouais, j'avais déjà eu des relations avec des meufs avant. Par exemple, le lycée dans lequel j'étais, moi, je disais pas à mes camarades de classe que j'étais avec une meuf. Quand je parlais de la personne avec qui j'étais, j'en parlais au masculin, en fait. Clairement, j'essayais quand même de faire un truc de... Non, et en fait, c'est quand j'ai passé mon examen final, le bac, que je n'ai pas eu. Du coup, c'est ma copine qui m'a emmenée et qui est venue me chercher. Donc là, ouais, c'était une évidence. Et moi, je leur ai fait ciao, bye bye. Et voilà, et c'est tout. Du coup, ils se sont mis devant le fait accompli. Comme ça, j'ai pas eu de problème. Après, franchement, c'est venu plus tard, en fait. Il y a genre, quand je suis allée à Rennes après, pour retenter de passer un bac et tout ça, dans ma classe, il y avait une fille qui était lesbienne, du coup, qui m'a invité à une soirée, voilà, tout ça, machin. Et moi, ça m'a fait ultra peur, en fait. Mais vraiment ultra peur, j'avais l'impression d'être un bout de viande, un bout de viande frais là, et du coup j'étais là, bon, en fait, chelou, peut-être les lesbiennes sont bizarres en fait, ouais, peut-être je vais me remettre avec un gars, ouais, peut-être ça va être mieux, puis enfin voilà. Du coup je me retrouve avec ce mec là, et voilà. Le truc, c'est que du coup, au niveau de mes liens affectifs et ma sexualité, ce qui était difficile, c'est que là, moi je vais en parler aussi. C'est que je me suis fait incester par mon père, huit ans plus tard, quand j'étais très jeune. Après, c'est mon frère mon grand frère, donc qui s'y est mis avec mon voisin. Du coup, voilà, et du coup, c'était un truc de, glauque, quoi, et du coup, j'avais quand même certains blocages, quand même, c'est sûr. Une fois que je suis arrivée en prison avec tout ça, juste avant d'arriver en prison, en fait, moi, ce que je me disais, c'est, en fait, les personnes qui m'ont violée sont très bien insérées socialement. Ma voisine, c'est elle s'est suicidée, elle avait 18 piges. Moi, je suis à la rue, en fait, j'ai pas de taf, j'ai rien, je suis hyper isolée, en fait. Et donc, du coup, je trouvais, ça m'a fait vriller, c'est en partie ce qui m'a fait vriller complètement, quoi. Bon, bref, donc, du coup, je vrille, j'atterris en prison, Et ben c'est évident en fait, le gars avec qui j'étais, moi par exemple, moi je lui ai dit direct, bah en fait là je suis partie pour perpète, tu peux me laisser en fait. Enfin je veux dire, lui il me dit non, je te laisserai pas, tout ça, ça va être bien, tout ça, enfin ça, je serai là pour toi, je te lâche pas quoi. Du coup bah moi j'étais assez sûre de lui sur ça. Il est venu voir ? Ouais pendant un an et demi. Et en fait, je pense que lui, ça l'a vachement usé. Par contre, il était convenu entre nous que s'il devait trouver une copine, enfin, voilà, c'était pas un problème. Et que, voilà, enfin, en fait, bah là, on en était au point que, en plus, au parloir, par exemple, au niveau des liens affectifs, bah, par exemple, en tout cas, dans la prison de Rennes, après, dans les autres prisons, c'est sûr que j'ai jamais pu me mettre sur ses genoux. Plus de 5 minutes, j'ai jamais pu même lui faire des bisous trop longtemps parce qu'en fait la matone elle vient te rappeler qu'en fait t'as pas le droit d'avoir ces liens affectifs là, qu'il faut pas qu'on se touche, que tatati, que tatata quoi. Donc du coup c'était assez restreint en termes d'échanges affectifs et corporels et tout ça. Et frustrant en fait aussi quoi, enfin voilà. Donc voilà, après moi j'ai eu des co-détenus avec qui, bah assez rapidement en fait, il y a des personnes qui... Enfin j'ai échangé... amoureusement avec des personnes, mais alors c'était assez marrant parce que du coup comme des fois t'es pas dans la même cellule que la personne avec qui t'échanges, tout se passe par courrier, par petits trucs, faut pas trop que ça se sache, enfin voilà, c'est ça, moi je trouve ça super mignon, mais voilà, enfin non mais c'est vrai, c'est mignon en fait, et voilà, et en fait moi ça m'a permis de tenir ces échanges affectifs là, et avec des personnes en face qui m'ont vachement aidé à me sentir, enfin, pas honteux de ma sexualité, en fait. Et que même c'était cool, en fait, et voilà, quoi. Donc, du coup, ça c'est, enfin, assez vite, je suis sortie avec des personnes, enfin, avec des co-détenus, ou voilà, quoi. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, du coup, après, là, donc ça, c'était quand j'étais à Rennes. Et en fait, ça, il y a des choses qui ont changé une fois que je suis partie de Rennes. J'ai l'impression que le fait que ce soit une prison pour femmes, et c'est des impressions et c'est pas une vérité absolue, voilà, que ce soit une prison pour femmes et tout ça, et qu'il n'y ait pas d'hommes et tout ça, machin, j'ai l'impression que ça apaise certaines choses. Enfin, c'est pas du tout le même rapport, je sais pas comment dire ça. Ça fait un truc de... bah c'est moins mal vu de pas être hétéro, j'ai l'impression, enfin du point de vue des détenus, je parle vraiment du point de vue des détenus, parce que les matons après ils sont toujours voilà quoi, c'est ils sont très bizarres. Des autres détenus ? Ouais. Jamais, mais moi j'ai jamais eu de... Après si, mais c'était... Enfin, non. Je dis oui, mais non. Oui. Mais en fait, Pas par rapport à ça, en tout cas, ou pas directement déclaré. Après, moi, il y a quand même un truc qui fait que ça change beaucoup de choses, c'est le pourquoi t'es allée en prison. Du coup, le fait que moi, je suis allée, enfin, qu'il y ait de la violence dans mon histoire, ça faisait que bah, peut-être on se foutait moins de ma gueule, en fait. Et que, ouais, je sais pas, moi, j'ai pris assez vite de l'assurance, en fait, dans la cour de promenade. En fait, je me suis dit, de toute façon, je vais prendre perpète, donc je suis chez moi, en fait. Donc, voilà. Et quand tu dis qu'il fallait pas que ça se sache, les relations, tout c'est, ça, c'est par rapport... Par rapport aux surveillantes, en fait. Parce que là, par contre, il y a des surveillantes, c'est sûr que, en fait, elles jouent vachement de ce truc de frustration, quoi. Enfin, il y en a, elles vont t'ouvrir la porte. Il y en a une fois, elle m'ouvre la porte. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ah, dommage que le concombre, il soit coupé en tranches, quoi. Et du coup, t'es là, mais... Bon appétit, bien sûr. Non. Et elle se marre, quoi. Et toi, t'es là, mais non, c'est sale. T'es sale, en fait. Non. Enfin, voilà. Voilà, tu vois, enfin, bon, bref. Et puis, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Donc, en fait, t'as pas du tout... Enfin, maintenant, elle me dirait ça, je saurais quoi lui répondre. Et je pense que c'est elle qui serait gênée, quoi. Et voilà. Donc, il y a ce genre de truc. Il y a aussi le fait que... faut pas trop que ça sache parce que bah ça va être un levier pour te faire pression. De toute façon, ça veut dire que tu vas moins choisir avec qui tu vas être en cellule. Et c'est ce que j'ai constaté en fait après par la suite en retournant sur Rennes quoi. Enfin par exemple. Mais bon, c'est aussi enfin c'est un peu compliqué. C'est genre voilà donc voilà des surveillantes qui te font des blagues qui sont clairement dégoûtée aussi par toi. Enfin, je veux dire, en fait, il y a une de mes co-détenues avec qui on s'est vraiment affiché et on était en mode, vas-y, dans la cour, on se roule des galoches, on s'en fout. Et oui, on est dans la même cellule et on baise et on s'en fout. Et voilà. Et ben, en fait, je sais pas, il y a des surveillantes qui ont grave changé de comportement avec moi, mais en plus, enfin, moi, je sais pas, j'avais pas un rapport très, très amical avec elle, quoi. Enfin, dès qu'elle rentrait, moi, je faisais écouter Aisha the Sheriff ou. Des trucs comme ça, enfin voilà, je me marrais à faire des trucs comme ça où je leur parlais pas du tout, et là du coup c'était sur des trucs de rage grave et c'était très très cool, mais voilà, en tout cas, ça c'est pour la partie Rennes quoi, où ça allait, tout ça machin. Après à Brest, ils m'ont foutu à l'isolement et du coup mon copain venait me voir, mais parce que du coup j'avais quand même le droit des parloirs. Mais alors du coup là j'étais vraiment à l'isolement pour le coup là en termes de d'échange affectif c'est le néant total avec ambiance une matone qui elle était particulièrement vicelarde, mais vraiment vicelarde, c'est genre le truc où elle est en blouse et elle arrive et genre elle est en chemise comme ça et elle ouvre sa chemise comme ça où t'es là et donc gros déclaté. Oui, alors monsieur, j'ai vu, hein, vous inquiétez pas, tout est arrangé pour votre parloir de demain, j'ai obtenu le parloir prolongé. Hein. Et là t'es là, mais connasse, c'est moi qui ai fait la demande, c'est pas toi qui décide, pourquoi t'interviens dans mon parloir en fait pour me dire des trucs comme ça? Pourquoi en fait? D'habitude on voit jamais tes seins, pourquoi là on voit tes seins? Enfin en fait je veux dire, je suis pas très jaloux dans la vie, mais là t'es en train de faire quoi en fait quoi? Et du coup à me dire des sales trucs, en plus moi j'étais en procédure à ce moment-là contre mon voisin pour viol. Et du coup c'est le genre de personne, enfin c'est pas du coup ça fait quand même partie de la sexualité de l'affectif tout ça, mais du coup cette personne en fait un jour j'étais extraite pour être en confrontation avec ce voisin là et c'était elle qui était là et en fait elle me dit au retour de Palois, alors ça fait quoi pour une fois d'être de l'autre côté hein, d'être victime, ça te fait quoi? Ça te fait pas bizarre un peu, hein? Ça fait du bien, ça te fait du bien, non? Moi, je suis là, mais ça va pas ou quoi? Enfin, en fait, j'avais 7 ans, tu sais. Et du coup, elle me fait, ah ouais, peut-être qu'il a des chances d'atterrir à côté, alors. Je fais, bah ouais, j'espère, et en fait, j'espère que tu lui foutras bien la misère, tu vois. Et elle me fait, non, pas du tout, je le féliciterai parce que les gens comme toi, ils méritent que ça. Boum, et elle ferme la porte, quoi. Et du coup, voilà, quoi. Et en fait, elle me faisait des trucs comme ça, mais hyper sec, enfin. Voilà, et du coup, pour qu'elle me foute la paix, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... parce que vraiment, elle insistait pour les fouilles à corps, à poil, en fait, vraiment, elle insistait. C'était genre dans ma tonne à faire « marche sur ta culotte » pour savoir s'il n'y a pas dedans, enfin, s'il n'y a rien dedans. Enfin, « marche sur ta culotte », quoi, je veux dire, c'est des trucs... elle n'est pas obligée de faire ça, en fait, c'est vraiment des sales trucs, quoi. Toutes les matins ne font pas ça. Et pour qu'elle me lâche, en fait, je me suis rasée la chatte en forme de cœur. Et à la fouille à corps, je lui ai fait, bah, en fait, c'est pour toi. C'est pour toi, Fafa, fort, tu m'excites. Franchement, tu m'excites vraiment. Et là, en fait, elle a baissé le regard. Et elle m'a plus jamais fait chier sur ça, en fait, en tout cas. Et elle est plus jamais rentrée dans mon parloir pour parler aux gars et tout ça, quoi. Bon, voilà. Après, ce mec-là, pour X raisons, n'est plus jamais venu me voir au parloir et tout ça. Après, je pense que c'est dur de soutenir des gens en tôle, hein, mais voilà. Après, c'est un truc de... En fait, moi, j'ai appris quelques temps plus tard que ce mec-là, en fait, il a vendu mon histoire au Nouveau Détective pour 1 500 €. Enfin, c'était un... Il avait la classe, quoi. C'est genre vraiment la classe. Et du coup, là, je sais pas, il prétextait que ça le faisait pas, que c'était hyper trop dur psychologiquement de venir de Rennes jusqu'à Brest, que, en fait, mes parents, c'était compliqué, que nanani. Et ce que je pouvais comprendre, en fait, il y avait pas de problème, mais... Du coup, à un moment, il me dit « Oui, j'ai pas de thunes. » Donc moi, je lui ai envoyé un mandat pour lui payer son train. Et en fait, il a encaissé le mandat et il est pas venu. Voilà. Et il est revenu me voir, genre, le parloir, juste avant le procès, en fait. Pour me dire qu'il était désolé de m'avoir abandonné, quoi. Et du coup, j'étais là... Tu veux dire quoi, en fait? T'es là, bah, écoute, moi, je lui ai répondu, en gros, que de toute façon, c'était pas grave, au moins... Je sais que si j'avais fini en fauteuil roulant, et ben au moins il m'aurait pas poussé, donc finalement ça m'arrange en fait, voilà. Et du coup, enfin, il m'aurait pas aidé, donc en fait tant mieux quoi. Bon, et mais du coup ça fout quand même une claque quoi, en termes d'abandon, de ouais, tu te sens pas très, non, voilà. Après, j'ai été transférée à Nantes, après Brest, parce que bah, là, par contre, pour le coup, les liens affectifs et intimes à Brest, j'en ai pas eu. C'était plus des échanges avec des gars par courrier ou quoi, mais c'était plutôt pas génial. Puis, enfin, voilà, il y a ce truc, en fait, de... que les gars, ils vont vachement t'interpeller, enfin genre, je sais pas, c'est des exemples à la con, mais t'es là à ta fenêtre en train de fumer ta clope et d'un coup t'as un mec qui t'interpelle et qui te fait pss, pss, pss, hey, t'as pas l'oreille qui te chatouille? Non. Ah bah pourtant j'habite tellement qu'elle est en train de te toucher l'oreille là. Bah des réflexions comme ça, ou alors ils veulent absolument, tu les croises dans la rue. Du coup la rue c'est plutôt l'axe central de la prison en général, où t'as accès au service médical, accès à la fouille, accès, enfin c'est un truc un peu central dans la prison, et du coup tu passes forcément par là quoi. Et du coup des fois tu passes et ils sont là les mecs, ouais vas-y fais-moi une bise, ouais vas-y nanani, ouais vas-y, enfin ils t'interpellent vraiment hyper relou quoi. Et du coup enfin voilà. Du coup moi ça a commencé à me, j'aimais pas trop ce délire quoi. Enfin moi c'était pas, ça me parlait pas trop quoi. Ça m'a même un peu écœuré quoi. Enfin cette manière d'être considéré pour un bout de viande, enfin c'est assez trash quoi. Voilà. Et ah si, il y a eu un autre truc aussi, c'est que pour le coup à Brest en fait, enfin moi j'ai déjà assisté oralement à un viol de gars, et t'avais je sais pas combien de mecs, 10-15 mecs qui gueulaient autour pour vraiment encourager le gars quoi. Et du coup on était avec ma codétenue, ma super codétenue de la mort. Voilà, petite dédicace, voilà, mais en fait, elle commence à vriller direct parce qu'il était là, ouais, sur le Coran, vas-y, nique-lui le cul et tout, elle a vrillé complet, elle fait, non, mais en fait, moi aussi, je suis musulmane, en fait, comment tu peux te permettre de jurer sur le Coran un truc que t'es en train de faire comme ça, enfin, bon, bref, elle vrille, moi, je fais aussi pareil, enfin, tu vois, du coup, on commence à les embrouiller, tout ça, du coup, il y a les autres gars qui s'en mêlent, ouais, bah, la prochaine fois, on vous laissera vous faire pointer et tout, enfin, des trucs un peu où t'es là, mais pff, ça a pas de, ça, en fait, ça va pas... Voilà, bref. Du coup, moi, je commençais à leur répondre quand même du tac au tac. Enfin, bref. Là, il y a 200 gars qui se mettent à taper sur la porte, quoi. À faire vriller la prison un peu. Et du coup, les iris, ils sont venus et ils nous ont défoncé la gueule, en fait, par exemple, sur ce coup-là de truc. Mais en fait, faut savoir que, en fait, ce gars-là... En fait, c'est un moyen de pression du côté des gars de quand t'es un pointeur ou quand t'es quelqu'un qui leur convient pas ou quoi. En fait, ils les mettent dans des cellules... spécifiquement où ils savent qu'ils vont s'en prendre plein la gueule, et les matons rigolent en fait, ils interviennent pas du tout sur ce genre de truc en fait. Donc du coup c'est des moyens de pression en fait. Toujours quoi. Bon bref, après j'arrive à Nantes, Et là, du coup, à Nantes, t'as pas du tout cet échange comme tu peux avoir à Brest. À Brest, c'est vraiment un pavé, en fait, un rectangle comme ça, la prison. Et du coup, tout est en long. Donc, du coup, tu peux faire des yo-yo avec les gars, tu peux te voir avec le miroir. Enfin, t'as un échange quand même que tu peux faire. Que à Nantes, pas du tout. Après, arrivé à Nantes, oui, alors donc, suite à mon isolement, ça, il faut quand même le dire, parce que c'est quand même gravos. En fait, moi, je culpabilisais vraiment de ce que j'avais fait. À l'isolement, tu pètes des plombs, je suis devenue croyant. Moi aussi, c'est vrai. Et du coup, voilà, protestant, tout ça, machin, bon, voilà, fou. Et on a le droit de s'égarer dans la vie, quand même. Et du coup, voilà, donc je suis devenue croyante, tout ça, machin. Et à un moment, je sais pas, le pasteur de Brest, il m'expliquait... De toute façon, c'est simple, en fait. Les visites que j'avais, c'était les matones ou les pasteurs ou les curés. Donc, en fait, en termes d'échange, en fait, c'est un peu dur, quoi. Enfin, en sachant aussi que tes lettres sont lues, du coup, même les personnes, même tes potes, en fait, tu vas pas pouvoir leur... Enfin, avoir des liens affectifs avec des personnes à l'extérieur par courrier qui est lu, pour moi c'est impossible. Enfin, moi ça me bloque encore maintenant. Enfin, en fait, je suis incapable d'écrire une lettre, en fait, maintenant. Voilà. Du coup, ça casse bien tout ça. Et du coup, je sais pas, je me dis, bon bah vas-y, prie, on verra bien. Tu vois, je priais par culpabilité, je priais pour arrêter d'aimer les meufs, pour arrêter de vouloir être un gars, pour plein de trucs comme ça. Et je priais. Et j'arrive à Nantes et tout, puis voilà. Et là, il y a une fille, elle me dit. Elle explosait de rire tout le temps, vous voyez, elle explosait de rire, du coup je croyais qu'elle se foutait de ma gueule et tout, puis j'étais là, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, non. Elle fait, non mais en fait j'ai envie de te foutre des mains au cul. Et j'étais là, toute rouge, j'étais là, ah ouais t'es sûre. Elle fait, ouais grave, et du coup je sais pas, elle m'en fout une. Et moi j'étais là, mais génial et tout, enfin en fait non, mais j'arrête, je vais arrêter de prier en fait, c'est excellent la vie. Et voilà, du coup on arrivait en fait à être codétenue, du coup là c'était assez chouette, on avait un rapport, du coup moi j'avais... Elle m'a fait complètement déculpabiliser d'aimer les meufs, de me prendre pour un gars, de... Ouais, pas de problème. Sauf que du coup, en fait, un soir, on baise. Et en fait, on entend l'œilleton se refermer, quoi. Et du coup, on était là, mais en fait, il y a quelqu'un qui nous a maté, quoi. C'est sûr. On n'entend pas l'œilleton s'ouvrir, on n'entend pas les pas arriver, mais on entend l'œilleton se fermer. Et deux jours après, il y a une surveillante qui ouvre la cellule. Elle fait, je sais ce que vous faites ensemble. On était là, c'est elle, dégueu. Bon, vous inquiétez pas. Ça reste entre nous. Puis elle part, elle referme comme ça. Et j'étais là, mais quoi, en fait. La meuf, elle a trop kiffé. En fait, la meuf, elle attend de voir s'il y a des gens qui baisent derrière la... Non, mais laisse tomber, quoi. T'es là, c'est quoi ce délire, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu chaud comme délire, quand même. Bref. Du coup, voilà. Et de toute façon, c'est sûr, hein, ils ont un problème avec le voyeurisme. Je suis sûre, c'est sûr. Bref. Après, c'est pareil. Cette personne-là... Elle était plutôt hétéro, mais elle m'expliquait que quand même elle sortait aussi avec des filles et en fait c'était cool et qu'en fait bah elle m'a vachement ouvert l'esprit en fait sur et elle m'a vachement en fait aussi aidé à enfin plusieurs personnes m'ont aidé à genre prendre mon corps comme il était et en fait j'avais le droit d'être un gars et en fait c'était pas un problème quoi, je veux dire, enfin c'était vraiment pas un problème en fait, du coup bah du coup moi je me suis mis à plus m'accepter quoi, tout simplement. Ça c'est quoi, c'est le rapport à la non mixité de la zone. Ah ouais c'est sûr, enfin je sais pas, c'est un truc ouais je pense quelque part, ouais c'est ça. Et puis ce truc de je sais pas, enfin moi je pense que c'est ça, c'est le ouais. J'imagine. J'en sais rien, en fait. Je sais pas, moi je pense que oui, quelque part, mais parce que. Enfin, je sais pas, après, moi j'ai eu une autre codétenue, bah, c'est avec qui je suis sortie longtemps à Rennes. Elle a fait sa demande de parloir, elle est venue me voir, elle allait voir son mari à côté à Brest, elle venait me voir, son mari était au courant. Cool! En fait. Du coup, voilà, c'était plutôt chouette, quoi. Enfin, son mari, en tout cas, il était pas du tout sur un truc. Enfin, il était sur un truc, il lui avait dit, ouais, si tu sors avec un mec, ça va pas le faire, avec une meuf, c'est pas pareil. Donc, du coup, c'est souvent ce truc-là, mais toi, t'es là, mais ils sont cons, quoi. Non, bref. Je les laisse, hein. Vas-y. 703, moi j'ai reçu ta lettre du 25-02. Dehors, toujours la même merde, je tue les ragots à rôder. Les gars de confiance me disent connaître la Poucave, un ancien pote avec qui on aurait rappé. Bref, on verra après. Mounir m'a appris que tu partageais la cellule avec son frère. Pas sous la paix, trahi par la raison quand elle manquait à l'appel. Trompé par les juges qui de nos vies n'ont jamais rien compris. Trompé dans la prison et ses murs pour les années qu'elle vous a pris. Berné par la folie et sa présence, tout est écrit. De la naissance et son cri, qu'on la seule et son silence. Frérot, mes mots suffiront pas à scier tes barreaux, mais à renforcer ta patience pour en faire de l'acier. Touré à de bonnes nouvelles, bourré que Malakit n'enterre à la fin du mois. Louange à celui qui fait avancer. Faut penser à éviter le mitard, qu'on voit nos têtes à la prochaine visite. Comment on peut pas qu'on dise à plus tard. Et voilà, et du coup voilà. Après, j'avais quand même des trucs. Par exemple, j'avais pas encore découvert l'éjaculation féminine. J'avais pas découvert plein de trucs, quoi. Je me sentais encore. Je m'y mets en fait finalement une sexualité hétéro, quoi. Encore. Et en fait, ça a grave évolué après en centre de détention à Yougoslavie, quoi. Parce que quand t'es en maison d'arrêt, en fait, t'es enfermé. Enfin, je sais pas si c'est utile de le préciser, mais t'es enfermé quand même. Là, par exemple, bref, moi, j'étais enfermé 23h sur 24. À Rennes, il y avait 2h le matin que tu pouvais sortir, 2h l'après-midi, et c'est tout, quoi. En fait, tous les rapports que t'as sont avec ta codétenue, avec les autres surveillantes, et il y a beaucoup moins d'échanges qu'en centre de détention, quoi. Du coup, ça change vachement. Enfin, ça change plein de choses, quoi. Et en fait, moi, à Jougoslavie, il y a une personne avec qui, du coup, en fait, on est arrivés en même temps, le même jour. Et en fait, on s'est rencontrés sur un truc du chef de détention, en fait, qui dit « Ah, mais toi, tu as du sang d'arabe, toi ? Ah ouais, moi aussi. » Mais sur mon... Alors du coup, elle était là, elle lui dit « Ah bon, de quelle origine, tout ça, machin, de où, quoi ?» Moi je suis Shaouia et toi non mais moi le sang d'arabe c'est sur mon pare-choc hein. Et du coup elle a souri et j'étais là, je l'ai regardée. Bon, moi je l'ai trouvée magnifique, mais j'étais là genre tu souris, quoi. Et du coup je suis allée la voir après, j'ai fait mais en fait comment tu peux sourire un truc pareil. Elle fait mais en fait si je souris pas il va me faire la misère en fait. C'est clair en fait. Donc t'es là, ok. Donc on a commencé à se parler par rapport à ça et très vite on s'est rapprochés, quoi. Après on a mis hyper longtemps à se draguer, moi j'étais un peu timide. En fait, elle avait quand même 15 ans de plus que moi, quoi. Donc, du coup, ça fait un truc où t'es. Je me sens démunie. Je me sens pas du tout à la hauteur, là. Je sais pas, il y a un petit truc, là. Je sais pas. Et en fait, non, c'était hyper cool, quoi. Mais c'est avec cette personne que, du coup, elle a découvert l'éjaculation féminine en même temps que moi. Et il y a eu ce truc, en fait, d'avoir le temps, enfin, comme j'avais dit, ça, d'avoir le temps de s'explorer, en fait, et d'avoir le temps. D'explorer ses délires et ses traumas aussi, parce que justement le viol fait que, par exemple, moi avant de la connaître, rien que de penser à quelqu'un qui était derrière moi, je me collais à un mur, je me frottais les fesses, ça faisait un truc où j'étais là, ah, insupportable, quoi. Enfin voilà, quoi. Et en fait on a exploré ce truc là avec des carottes, d'ailleurs, du coup. Voilà, parce que bon, il n'y a pas de ceinture en tôle, alors on fait des fois avec ce qu'on... mais non, mais c'est vrai, c'est... Et du coup voilà, mais enfin bon, bref, et du coup voilà, et en fait ouais voilà, c'est on a eu des jeux en fait plus ou moins BDSM qu'on fait que du coup moi ça m'a complètement libéré de ce truc, quoi. Là j'ai plus de problème à imaginer quelqu'un derrière moi, ça a réglé ça, quoi, vraiment, quoi. Et aussi ce truc de mettre en scène aussi certaines violences. Mais que c'est mis en scène et qu'on est très d'accord en fait sur ça va aller, enfin qu'on commence à vraiment se connaître, quoi, parce que en fait quand tu passes, enfin ouais, nous on passait 24 heures sur notre, on passait tout notre temps ensemble, on passait des fois des 48 heures à baiser ensemble, en fait tu commences à vraiment connaître l'autre et à vraiment enfin échanger un truc, voilà. Puis enfin c'était hyper drôle parce que du coup c'était tout un jeu de les rondes de nuit toutes les 2 heures, donc faut calculer le truc de t'entends la grille s'ouvrir, tu fais style de 1, puis en fait il passe et hop, tu reprends. Enfin voilà. Et c'est tout ce jeu-là qui pimente en plus le truc, quoi. Mais bon, des fois, je sais pas, des fois, en fait, après, t'oublies que des fois, t'es dans le contexte de la teule, quoi. Je veux dire, carrément, quoi. Du coup, des fois, enfin, nous, notre porte, elle était ouverte toute la journée parce que elle était auxiliaire, moi pas au début, mais elle, oui. Et du coup, on était dans une aile semi-fermée. À un moment, on s'est retrouvé, enfin, à complètement zapper qu'on était en teule, on s'est retrouvé en plein milieu de la coursive en train de baiser, quoi. Puis on était là, il y a peut-être un souci quand même. Enfin bon, bref, voilà, mais c'était des trucs hyper drôles où, genre, je sais pas quoi, enfin, cette histoire des carottes et tout, c'est juste parce que, bon, après, il y a des personnes, elles sont beaucoup plus créatives. Je sais qu'il y a une personne, elle avait vraiment fait un gode ceinture, fabriqué son gode ceinture et tout, respect quand même. Et du coup, voilà, mais voilà quoi, enfin, du coup, ça aide vraiment, enfin, moi, sur le coup des. Pour en revenir au concombre, par exemple. À cet âge-là, à 21 ans, moi, la meuf, elle m'a dit ça. J'étais là, mais elle est pervers, elle est atroce. Enfin, je veux dire, en fait, c'est quoi? Ah, au secours, un concombre! Alors que là, enfin, je veux dire, 3 ans plus tard, je suis là avec une carotte dans le cul. Eh, ça va, bébé? Enfin, bon, voilà. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et voilà, et du coup, moi, ça m'a aidé à me sentir fort et légitime, en fait. Juste tout simplement légitime, quoi. Je veux dire, enfin. Ouais. Mais là, c'est ton lien avec la personne. Ouais, mais même avec les autres détenus. Enfin, je veux dire, en fait. Il y a jamais personne qui nous a fait chier parce qu'on était en couple ou parce que c'est plus les matones en fait. C'est ça par exemple. Avec elle, ils ont mis mais pendant 15 jours du moment en fait où on allait en cellule ensemble et pendant 15 jours en fait, ils nous posaient la question de savoir si on était en couple ou pas. Mais tout le chef de tension, les matones, tout le monde en permanence à faire des trucs de vous êtes ensemble, mais tu vois, hyper rigide, sérieux, tu vois, genre, mais dites-le nous, hein, parce que voilà, et du coup, t'es là, bah non. Parce que quoi c'est bah, parce qu'en fait, ça le fait pas, quoi, parce qu'en fait, ça, bah, du coup, ils nous auraient séparés de cellules, c'est sûr. Enfin, voilà, puis il y a ce truc de, tu vois, faut pas non plus. Déconner quoi, je veux dire, en fait, il y a un ordre dans la vie, je veux dire, elle était mariée, voilà, elle a des enfants, c'est quelqu'un de respectable, toi, t'es une pauvre égarée, du coup, c'est pervers votre truc, enfin, en fait, du coup, vous allez être moins réassurable, je veux dire, en fait, quoi, vous voulez pas vous marier, avoir des enfants, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a vraiment ce truc-là, quoi, enfin, voilà, avec des matones derrière qui font style, elles sont complices, mais en fait, enfin, de toi et de dire, ouais, vas-y, en fait, moi aussi, je suis avec des meufs et tout ça, mais en fait, c'est pour mieux de poucave derrière. À dire des trucs, mais ne rien dire, c'est aussi mentir. Enfin, vraiment des trucs comme ça, t'es là, mais qu'est-ce que ça les regarde, quoi. Et en fait, de toute façon, il y a toujours jeu avec elles. Enfin, en fait, c'est là où ça fait des. Des trucs où nous dans notre division en tout cas on était assez solidaires quand même. Il y a un truc qui avait fait que on bouffait pas mal ensemble le soir, que c'est notre show souvent quoi, enfin franchement c'était genre il y avait un vélo les vélos comme ça là. Et un jour, elle était dessus, elle était « Je ne reconnais plus personne, Harley Davidson, je t'emmène, bébé !» Du coup, moi, j'étais derrière et tout, on chantait. Enfin, bon, bref, ça fait rire les autres. Enfin, voilà, il n'y a pas un truc de « Ah, ils sont tarés et tout, machin. » Enfin, voilà, il y avait moins ce truc de jugement. Je me rappelle, il y a un autre couple de meufs qui étaient ensemble. Et un jour, il y a les cantines qui arrivent. La meuf, elle sort de la cellule. Et en fait, elle venait de taper un clignot à sa copine qui avait ses règles. Du coup, elle avait la bouche toute rouge. Eh, t'as vu les cantines et tout, t'as avec lui. Enfin bref, du coup, elle a eu le petit surnom de clown après pendant longtemps. Mais c'était pas un truc de... C'était pas méchant, enfin, c'était pas stigmatisant. Et puis en fait, c'était pas non plus... Ah, elles sont sales. Enfin, il y avait pas ce truc-là. En fait, je crois que t'es sur des trucs où... Ou des fois, quand t'es sur des longues peines comme ça et tout ça, enfin, je veux dire, en fait, t'as autre chose à foutre que de te prendre la tête pour la sexualité que t'as ou pas, je crois. Enfin, je sais pas, moi, j'ai ressenti ça plus qu'en maison d'arrêt où il y a plus de jugement, quand même. enfin, tu sens ce poids de, déjà, tu vois, les petites peines quand elle voit que t'es une grande peine et tout ça, enfin, c'est un truc de ouf, en fait. Et du coup, déjà, il y a des jugements, en fait, entre détenus aussi, quoi, enfin, même sur des trucs de enfin, je veux dire, c'est pas bien vu dans la rue de se promener main dans la main, quoique les meufs, c'est mieux vu que les mecs, mais bon, ça, voilà. Mais on m'a encore dit il y a pas longtemps que de personnes du même sexe, enfin voilà. Bon, voilà, enfin, il y a quand même ces trucs-là. Et moi, j'ai trouvé qu'en s'en étention, c'était beaucoup moins lourd, quoi, par rapport à ça. Par contre, mais du coup, moi, ça m'a aidé vachement à tenir, en fait, aussi, quoi, enfin, de pouvoir avoir ces rapports affectifs-là, quoi. Par contre, c'est sûr qu'il faut. Enfin, moi, c'était hors de question que les matons sachent qu'on soit réellement ensemble, en fait, quoi. Et du coup, ça, vous l'avez tenu ? Ah ouais, c'est clair, quoi. Ah ouais, c'est sûr, quoi. Et avec des trucs de aussi, tu vois, je pense qu'ils se doutaient, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, de toute façon, moi, je l'ai... Tous voient sur ma gueule, je dis, ah oui, vas-y, chante encore, ah oui. Je vois un bon vrai avec des étoiles dans les yeux, c'est genre, non, on n'est pas du tout ensemble. Pas du tout. Enfin, bon, voilà, quoi. Puis je pense qu'ils nous entendaient aussi des fois, parce que, bon, voilà... Je suis assez expansif comme personne, et du coup, même quand j'ai un orgasme, du coup, je suis assez expansif. Mais du coup, c'est assez drôle, quoi. Enfin, voilà, enfin, moi, je trouve ça assez drôle. Je pense que, voilà, il y a... Du coup, même s'ils se doutaient ou qu'ils avaient capté des trucs, il n'y avait pas assez pour foutre la presse, et genre, vous, c'est pas grave. Non, et... Non, puis moi, j'étais sur un truc de... Faut qu'on sorte de là, quoi. Faut qu'on sorte de là, et on mérite d'avoir une vie chouette après, en fait. Et voilà, quoi, et puis on va être ensemble, quoi. Par contre, c'est ça le délire, c'est qu'en fait, ils arrêtaient pas, juste 2 mois avant que je sorte, il y avait des matins qui venaient me voir pour dire, mais tu verras, tu l'oublieras, en fait, ça va te saouler de venir la voir, enfin, c'est pas possible. Ma première permission, c'est alors, tu t'es tapé une bonne queue. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Alors, t'as la dalle, t'as prévu les capotes juste avant de sortir, quoi. T'es là, non, la personne avec qui je baise, elle est là, et en fait, je vais aller me baigner dans la mer, je pense, en fait. Ça fait 5 ans que je suis pas sortie, je trouve. J'ai autre chose à foutre que. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est vraiment des trucs où il y a ce côté hyper voyeuriste, quoi. Ils sont habitués à tout connaître de ta vie et tout ça, mais ils en jouent à fond, quoi. Ouais, ça, c'est un truc de. Ça, c'est un truc, par exemple. Où du coup bon comme donc du coup c'était dans mon dossier que j'avais une procédure pour viol, hein, ils savaient très bien que moi c'est un truc qui me ils en jouent des fois, ils vont te faire des enfin comme l'autre surveillant là qui disait il a bien fait, les gens comme toi en fait faut les violer, j'avais 7 piges, quoi, je sais même pas comment elle fait pour penser comme ça. Et il y a vraiment ce truc, quoi, de jouer avec ça, quoi. Par exemple, il y avait une personne avec qui, enfin, de qui j'avais hyper peur, en fait. Bon, bah, c'est con, mais c'est vraiment une personne qui avait pris perpète pour récidive de pédophilie, machin, enfin, bref, chacun ses histoires. Hein. Mais du coup, elle me regardait tout le temps quand j'étais auxiliaire, elle était dans la division à côté, elle venait dans les douches, elle était là, Surienne, elle m'appelait comme ça, elle était, mais viens voir, comme ça et tout. Moi, j'étais là, non, mais tu fais vraiment. T'es trop un stéréotype, là, t'as pas des bonbons en plus, là, enfin, je sais pas, c'est crade, quoi, tu vois, enfin, voilà. Et un jour, elle sort de la division, enfin, j'allais pour servir les plateaux, et elle sort de sa division, les grilles étaient ouvertes, et là, elle vient et elle me fait, mais au fait, t'as quel âge, Solène ? Et moi, je sais pas, en fait, avec son regard, son intonation de voix, le fait qu'elle me demande l'âge, j'ai flippé, mais je suis partie en courant, je me suis cassé la gueule dans les escaliers, j'ai hurlé, j'ai dit, ah, comme ça, je suis allée dans ma cellule, et vraiment, truc de fou. Et ça a fait beaucoup rire les matons, en fait. Et du coup, après, elle me réveillait en me disant « Salut, c'est Tata Lulus, quoi. » Donc, tu dors, quoi, et là, t'as une surveillante qui vient et qui susurre à ton oreille « Salut, c'est Tata Lulus, quoi. » Ou alors qui vient chatouiller les pieds en me disant « C'est Tata Lulus. » Enfin, que des trucs comme ça, quoi. Enfin, moi, combien de fois j'ai failli défoncer des matons. En fait, t'es en train de dormir, la meuf, elle te chatouille les pieds en me disant « C'est Tata Lulus, quoi. » C'est elle qui te réveille. Ouais, voilà. Et donc, du coup, t'es là, en fait, t'as ton pied qui part et en fait, tu te rappelles. 30 secondes, tu dis, ah oui, je suis en tôle, ah si je fais ça, je finis en tôle. Donc tu redescends en 10 secondes. Enfin, moi, c'est ça, 10 secondes de temps, j'étais là, ouais, bon, je vais pas la taper, voilà. Mais du coup, ça les faisait super marrer, quoi. Mais je suis sortie avant, et du coup, on s'appelait, et elle prenait le téléphone pour me dire, c'est Tata Lulus. elle coupait notre conversation téléphonique, en fait, pour me charrier là-dessus, quoi. Il y a un moment, je servais les plateaux et, les matelles, elles étaient derrière moi et je devais servir du kiri, quoi. Et là, la matelle, elle fait, donc je vais pour servir une des personnes, elle fait, tu sais pourquoi elle est là, elle? Elle, pour pédophilie, mais elle a aussi des trucs de zoophilie. Et tu sais quoi? Il y a une vidéo d'elle en train de se faire lécher avec son chien et elle s'est tapé du kiri sur la chatte. Et là, je dois lui servir du kiri, quoi. Et elle se marre, en fait, ces personnes-là. Et je sais même pas si c'est vrai, en fait. Enfin, en fait, on peut même pas savoir. Et juste, t'es là. Enfin, le fait qu'elle rigole comme ça, tout, plein de trucs comme ça, en fait, c'est là où je me suis dit aussi que ce qui était vu comme de la perversion socialement, en fait, ça en était pas du tout. Deux personnes qui s'aiment et qui jouissent de leur corps si c'est consenti, en fait, il n'y a pas de perversion à ça, quoi. Il n'y a pas de perversion à ça. Aller rigoler sur des trucs comme ça, ouais, c'est chaud, en fait, quoi. C'est chaud, en fait. Moi, je trouve ça, ouais, c'est grave, quoi. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Ya las de adentro, ya los de adentro. Ya las de adentro, ya los de adentro. Ya las de adentro, ya los de adentro. Ya las de adentro. A las de adentro no estáis solas, hermanas. No nos callamos, aunque ahora os parezca lejos. Estamos a vuestro lado, que esto que está sucediendo hay que quebrarlo, reventarlo. Que ganas de untar de mierda a los que están tomando el mando. Por ahora les señalamos, pero claro y sin dudarlo. Cuando hagan falta golpes, aquí tendréis nuestras manos, piedras y palos. Quememos pie, zona franca. Quememos pie, zona franca. Allí se mata y se maltrata y aquí nadie sabe nada. Y quien lo sabe, calla y mama. Como siempre, siembran la muerte, bien alejados y escondidos de la vista de la gente, para brindarte la suerte del autóctono ignorante y inocente, que no ve nada de nada y así no puede dolerte. A mí me sale gritar fuerte desde el vientre, que ya basta, que no pensamos callarnos. Os la liaremos parda. Estamos hartas, que hasta las peras estamos de esta farsa. Que hasta las peras estamos de esta pasma. Que hasta pienso tantas veces en las armas, cada vez más. Y es que no, así no conseguiréis dividirnos. Yo ya sé con quién voy y quién es mi enemigo. Lo identifico por sus hechos, sin un método científico. Está claro, da lo mismo el lugar donde haya nacido. Así que apunto con mi dedo a ese amplio abanico que se abre entre el rico y el político de circo. Y el que lleva plaga y pipa, directivo de organismos. El que es director de un sitio en que tortura no es delito. El asesino Mohamed, no te olvidamos, tu muerte no fue un suicidio. Tu muerte no fue un suicidio. Ni tu muerte ni la de todos los otros asesinados dentro del CIE. A que sonríe prepotente, a ti te digo, no quiero compartir contigo ni este aire que respiro. Eres un café reflexivo, eres castigo. Eres amigo del jodido dolor, ruido que sobra en la obra. Eres muro en el camino, eres alambre de espino. Eres la ausencia del don y así, cabrón, dominas aunque perdido. Prieto, a ti te digo, Prieto, yo si quiero un tío, tío, ven, liga conmigo, aquí te pillo, aquí te... Que si te pones a tiro, te dedico mi bolsillo, mírame como sonrío, aprieto dientes, tiro fuerte de este maldito gatillo, ven y listo, una O en tu flequillo. Como has visto, este espejismo provisto de dramatismo no es un libro de argumentos, pero al menos es conciso. Quizá cambiemos el arma por un bate o un martillo y ahora vuelvo al estribillo, que solo leo veneno si releo lo que he escrito. Así te esquivo, así te esquivo. Tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y tenemos que empezar a trazar hechos. Qué insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo. Dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y cuando construyes un centro con ladrillos de miseria, el odio será la respuesta y estas letras son la muestra. Que aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras. Pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza. Y voilà, après, Après, par exemple, même en centre de détention, on a eu des conversations où justement aussi pareil entre co-détenus quoi. On a le temps, du coup t'es là, tu bois le café, tu parles de cul, t'as des personnes qui sont âgées, d'autres personnes qui sont plus jeunes, des personnes qui viennent de France, mais de différentes origines sociales, qui viennent pas forcément de France et tout ça, et du coup ça donne un truc d'échange au niveau des expériences et tout ça. Qui est hyper chouette quoi, enfin c'était hyper décomplexé et moi je trouvais ça hyper drôle quoi, enfin franchement on se marrait vraiment quoi, enfin voilà quoi. C'est fou, ça a l'air hyper sexualisé, que ça soit les blagues des matones, ouais. Que ce soit les discuter entre côtes, enfin je sais pas si c'est parce que là on cause de ça, mais ça a l'air d'être très très présent quoi. Bah ouais, comme dans la vie humaine globalement en fait. Bah plus ou moins, hein. Je sais pas si t'as l'impression que ça l'est plus. Moi, je trouve que je m'en rends pas compte en fait, je crois. Moi, pour moi, c'est pas plus que dehors. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'a le plus, c'est que, enfin, je sais pas quoi, enfin. Enfin, juste, tu vois, de se retrouver à avoir des discutes de cul avec, comme tu racontes, plein de meufs de différence d'âge, de machin, de trucs. Enfin, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive d'être du coin et de se mettre à parler de cul. Ouais, mais du coup c'est pareil, bah après t'as un gros décalage, parce que du coup bah moi j'en parle des culs, enfin à fond, tu vois, je suis là, comme normal quoi, tu vois, puis t'as les gens qui sont là, pas du tout habitués, et du coup, il y a ce truc où tu vois, j'ai un peu rediminué mon ouverture de comment j'en parle et tout ça, ça c'est sûr quoi, tu vois, c'est juste, bah ouais, du coup tu te réappropries une pudeur, en fait c'est vrai, je crois qu'il y a ça aussi, il y a cette notion de pudeur qui éclate. C'est ça en fait, t'as quasi plus rien à perdre, je veux dire on passe un temps infini ensemble, en fait à chaque mouvement quasi, y a un moment, y a des matones qui tombent, moi y a je sais pas combien de matones qui m'ont vu à poil en fait quoi, enfin je veux dire en fait, tu vois, c'est un truc où t'es là, et tout le monde, enfin je veux dire j'étais pas le seul en fait, enfin je sais pas, y a, enfin d'ailleurs ils ont remis ça au goût du jour ces enfoirés, voilà, et du coup, il y a ce rapport au corps où moi, enfin, je sais pas, avant, j'étais hyper pudique, mais vraiment pudique de ouf, quoi. Et en fait, moi, je suis sortie de teule, j'allais sur la plage, je me foutais à poil, je me baignais, point, qu'il y ait du monde ou pas, j'en avais rien à foutre. Je pouvais même chier devant des gens, en fait. Et en fait, là, je suis en train de retravailler sur je retravaille sur ce truc d'intimité et de pudeur. Parce que voilà, ouais, je sais pas. Mais de la part des matons, en tout cas, à Jouxla, enfin, en tout cas, à Rennes, je sais que. Il y a des histoires de cul graves entre des matones et des surveillants, des détenus, des matones, mais des histoires plutôt sales. Plutôt chez les gars, il y en a aussi, hein, c'est clair, il y a aussi il y a de la sexualité, elle est omniprésente en fait. Mais il y a ce truc de frustration aussi, c'est un truc où, t'imagines, t'as plus de stimulation physique, je veux dire, en fait, ça pue, vraiment, ça pue physiquement la tôle, enfin, c'est physique, je sais pas si ça chlingue, en fait, t'as une odeur, ça pue, tu vois jamais très loin, au niveau sonore, c'est quand même hyper oppressif aussi, du coup, la bouffe, elle est dégueulasse, donc tu prends pas de plaisir à bouffer, finalement, le cul fait que c'est un truc aussi où tu peux survivre, enfin, je veux dire, en fait, c'est une stimulation... C'est une stimulation vitale, quoi. Je veux dire, en fait, c'est vraiment un truc où t'es là, ouais, tu baisses, t'as un orgasme, oh, ça détend, tu vois, même si, enfin, voilà, t'as ce truc-là, moi, je trouve, enfin, je sais pas, c'est hyper... tu vois, sorti de l'isolement, enfin, je veux dire, même sans parler de cul, enfin, je veux dire, rien que, je sais pas, c'est un truc de malade, de mains qui se touchent, quoi. Juste les peaux qui s'effleurent, sentir l'odeur de quelqu'un d'autre, ça te manque quoi, enfin je veux dire quand t'es à l'isolement ça te manque mais tu peux, enfin c'est inimaginable en fait, c'est moi je sais que des fois j'avais pas à dormir, je m'imaginais être dans les bras de quelqu'un très fort quoi pour pouvoir m'endormir en fait quoi, mais tu t'imagines juste quoi et ça reste, enfin je veux dire en fait ça reste encore quoi, ouais c'est hyper ouais. Du coup, il y a des trucs de tendresse aussi entre des co-détenus, sans parler de séduction, sensualité, ouais. Cul, quoi. Ouais. Il y a de la violence aussi, hein, ça c'est sûr, hein, mais Mais il y a des trucs de tendresse aussi. Enfin, c'est surtout... Moi, je sais pas. Je parle que de mon expérience parce qu'en fait, je peux pas parler d'autre chose. Mais par exemple, quand je suis tombée, mais je pleurais. Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. Enfin, en fait, d'abord, j'ai fait 15 jours d'HP. Et après, ils m'ont refoutu en tôle. Et vraiment, enfin, je pleurais vraiment beaucoup, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, ma codétenue, qui parlait, enfin, même pas français ou quoi, ou enfin, elle ne parlait pas français. Moi, je parlais pas anglais, pas espagnol, rien. Du coup, pour communiquer, c'était un peu dur au départ, quoi. Et ben, en fait, je sais pas, il y a eu un moment où j'ai l'impression, en fait, que elle m'a juste passé sa main ici, là. Et elle m'a fait ça, quoi. Et ça m'a réconforté, mais d'une force. Enfin, en fait, c'était hyper fort. Mais il y avait aussi ce truc, bah, en fait, si tu plonges dans ton désespoir, là, moi aussi, je vais plonger dans mon désespoir, en fait. Donc, faut qu'on tienne, en fait, on n'a pas le choix. Donc, il y a forcément des trucs comme ça, enfin. Il y a forcément des moments où ça arrive, en fait, des trucs où t'es là, tu... Enfin, je veux dire... Après, j'ai vu aussi des meufs se foutre de la gueule d'autres meufs qui pétaient des plombs. Il y a ça aussi, c'est sûr, mais... Je sais pas, par exemple, même... je trouve qu'en centre de détention, il y a... Il y a de la solidarité entre les personnes. Par exemple, il y avait une personne qui avait pris... peine de 25 piges, enfin bref, peine avec une peine de sûreté de 15 ans. Et en fait, elle se... Enfin, elle était détruite, quoi. Enfin, elle était cachetonnée à fond. Bref, quoi. Et en fait, elle avait quand même un gamin, quoi. Et du coup, t'es là, bah en fait, t'as pas mal de personnes qui sont mères. Et du coup... Il y a ce truc de dire, bah, en fait, tu vas assumer ton rôle de mère, en fait. Ton gamin, il a pas demandé à ce que tu sois là. Il faut que tu tiennes pour lui, en fait. Tu vas te tenir pour lui. Et du coup, par exemple, un jour, elle devait aller au parloir voir son fils. Et elle avait du vomi encore de... Elle avait toute une trace de vomi, comme ça. Et elle était en jogging, et voilà. Du coup, bah, en fait, on l'a chopée dans notre cellule. Et en fait, on l'a nettoyée, on l'a maquillée, on lui a prêté une robe. Et elle est partie au parloir. Et voilà, quoi. Et c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, après, je sais pas, pour moi, il y a que la solidarité qui peut faire en sorte que de rendre humain des situations hyper hardcore. Donc, il y a que ça pour moi. Donc, du coup, il y a plusieurs personnes dans notre détention qui étaient vraiment sur ce mode-là, quoi. Enfin, donc, du coup, ça allait, quoi. Il y avait, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs, par exemple, je sais pas, mais ça, c'est pas pour, c'est aussi, je précise, c'est pas pour me mettre en valeur, il y a d'autres personnes, il y a plein d'autres personnes qui font ça, et c'est des petits trucs hyper invisibles, en fait, quoi. Bah, je sais pas, tu vois, des nénettes qui t'entendent pleurer, en fait, t'entends pleurer les autres détenus, des fois. Bah, des nénettes qui te passent des clopes, tu vois, des trucs, enfin, qui essaient de te mettre bien, quand même, quoi. Du coup, moi, je trouve, par rapport à ça, je trouvais que c'était assez fort, quoi. Enfin, des fois, ça... Je trouve que l'enfermement, ça emmène une sincérité, une franchise. T'as plus de temps à perdre, en fait. T'es obligé d'être cash et de pas de mentir. T'as pas le temps de minauder. Enfin, je veux dire, en fait... voilà, et que du coup, ça emmène une authenticité dans les rapports qui est hyper... qui, moi, me manque maintenant, en fait. Enfin, il y a des... Sérieux, enfin, c'est... Mais parce que j'ai grandi là-dedans, en fait. J'ai construit une part de ma manière de relationner et de voir le monde avec ça. Moi, je sais pas, avant d'aller en taule, enfin, je sais pas combien de tentatives de suicide j'ai pu faire depuis que j'étais petit, mais c'était énorme, en fait. Et moi, j'ai ce tatouage-là parce que ça veut dire enrichissons de notre différence, en fait. Parce que j'avais toutes ces cicatrices et je me disais, en fait, si je veux m'insérer plus tard, ça va pas le faire. Et puis, en fait, j'ai arrêté de me découper et tout ça et d'être dans une autre logique parce qu'il y a des femmes qui m'ont porté, quoi. Je veux dire, en fait, il y a des femmes qui m'ont aidé vraiment, quoi. Et des personnes dont j'aurais jamais soupçonné, en fait, qu'on ait quoi que ce soit à s'échanger, en fait. Et en fait, si, c'est un vrai échange. Et en fait, si, ça a de la valeur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce tatouage sur ces cicatrices. Parce que c'est pour m'en rappeler, en fait. Si, en fait, ça existe et c'est vrai, quoi. Enfin, je pense que c'est le fait que j'ai été hyper isolée aussi, enfant, ado, et par la suite. Enfin, il y a aussi ce truc-là. Je pense que Ça peut paraître incongru pour plein de gens, en fait. Mais pour moi, non. Quoi ? Bah, le truc de se dire, bah, en fait, moi, mes liens affectifs et tout ça, je les ai vachement... ça a vachement été construit en tôle, quoi. Mais ça, ça casse aussi des choses, quoi. Je me rends bien compte, par exemple, j'ai vachement plus de mal à parler quand on est plus nombreux. Enfin, des trucs comme ça, en fait, c'est... Ça joue vachement. Ou alors, il faut que ce soit très nombreux et que je sois bourré un peu. Ça va. Mais sinon... voilà, enfin, en fait... ouais, il y a ça. Et par contre... il y a quand même des rapports de force que tu crées vachement en tôle. Enfin, des habitudes de... Enfin, moi, je sais que, par exemple... je sais pas comment dire ça. Bah justement, c'est pour ça que j'ai vachement peur de ma masculinité aussi, parce que moi je me défends. Enfin, je veux dire, mais il y a un truc où je sais pas, j'ai développé un truc de en tôle de ah ouais, je sais pas comment dire ça. Ah ouais, vous nous traitez comme des chiens. Ah ouais, en fait, on n'a plus aucun droit. Ah ouais, en fait, ouais, je sais pas. Ils ont le droit de faire, les matons, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec nous. Mais ça va pas du tout aller, quoi. Et moi, j'ai envie de vivre, en fait. Moi, j'ai envie de vivre, quoi. Donc, en fait, on va pas me faire chier, en fait. Et même d'autres détenus, si elles commencent à faire des trucs, machin, tout ça, moi, je pose le truc sur la table, quoi. Je fais, en fait, ça va pas le faire, ça. Je pose les choses, tu vois, boum. On n'est pas d'accord, on se la met, quoi. Mais voilà. Et ça marche pas comme ça, la vie, en fait. Ça marche pas du tout comme ça. Faut pas être comme ça, en fait. C'est très dangereux. Voilà, ou alors par exemple, je sais pas, quand les iris sont arrivés là dans notre cellule avec ma pote, en fait, bah tu sais que t'as 6 gars en face de toi surarmés, bah en fait tu te défends, en fait. Parce que si tu te défends pas, tu risques vraiment de crever, quoi. En fait, donc t'es là, blanc, quoi. Enfin, moi je me défends, enfin je me défendais, quoi. Enfin voilà. Et parce que dans cette notion de si tu te défends pas, tu crèves, en fait. Et pour moi, c'est ça que crée principalement la prison. Et en fait, ça craint parce que il y a des moments où j'ai pas les ressources nécessaires, j'ai pas appris à mettre des mots sur certaines émotions, à transformer de la violence en autre chose. Et du coup, c'est un gros problème, en fait, quoi. C'est un vrai gros problème, en fait. Que tu veux dire un truc de conclusion? Conclusion, je sais pas, quoi. Enfin, franchement, moi, juste, je sais que toute ma vie, je sais que les plus grosses crapules, elles sont pas derrière les barreaux, en fait. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Et en fait, s'il y a des personnes qui vont en tôle, qui écoutent ce truc, et ben, juste rappelez-vous que c'est les matons, les ennemis, qu'un bleu, ça reste toujours un bleu, même que s'il te parle bien, même s'il te fait des petits cadeaux, des petits machins, s'il a l'ordre de te péter la gueule, il te pètera toujours la gueule. Pense jamais qu'un flic ou un maton ou quoi soit un de tes potes. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Incarcération, parle pas de narration, plus de mots pour décrire toutes tes émotions. Tu sens ta mort dans ta transpiration, ça soigne des murs en nasale punition. Au loin l'écho de vocifération, chaque jour plus de haine, tu as ta ration. Ils ont quelques problèmes de domination, adore jouer avec tes frustrations. Quand tu réagis à leur humiliation, forcément ça cause quelques frictions. Comprennent pas que tu refuses leur intégration, donc plus de narration, juste de belles explosions. Incarcération, insertion, incarcération, insertion, incarcération, insertion, insertion, ouais, insertion. Quand incarcération rime avec insertion, je me tape des barres de rire à en péter les plombs. Faut voir le contenu de leur formation, à ce sujet je me pose quelques questions. Ils nous traitent comme des paillassons. Faudrait les remercier, ouais, sale con. Je veux être professionnel de la désertion. Quand je dis ça à la SPIP, c'est une aberration. Faut voir le cul qu'elle voue à cette nation. C'est direct dans ton cerveau qu'ils creusent des sillons. Ils y plantent des OGM, ouais, attention. Et si tu le refuses, c'est l'incarcération. Incarcération, insertion, incarcération, insertion, incarcération, désertion, désertion, ouais, désertion. Passion irrationnelle, toujours quotidienne. Injustice à l'appel, nourrissant à peine. En prison, vague impression d'être au cœur de l'arène. Les matons veulent en rire, ouais, ils se déchaînent. Si tu t'en sors, c'est pas que t'as de la veine. Y'a forcément des gens qui te soutiennent. Je veux me faire la belle, plus avoir cette haine. Mais ils m'ont coupé les ailes et j'ai une sale haleine. Donc c'est hardcore pour trouver des acolytes. Alors je suis mon corps, ris avec des alcooliques. Le désespoir me dévore mais j'ai de la kryptonite. Ça change le décor, bah faut que ça change vite. Incarcération, insertion, incarcération, insertion, incarcération, désertion, désertion, ouais, désertion. Bon voilà, c'était le montage. Et moi, en vrai, on ne voulait pas rajouter grand-chose parce que je trouve que ça parle en soi. Seulement pour dire, ça existe aussi, l'interview ou l'entretien, ça existe aussi comme brochure. Si vous avez envie de relier des trucs ou diffuser, vous pouvez écrire un mail à letenaille@raisa.net. Et voilà. Et après, est-ce que tu peux l'épeler? Les quoi? L'épeler, dire chaque lettre. Oh. Bon, c'est Letenaille, L-E-S-T-E. Mais c'est une... ça, c'est pas gentil de faire. Mais comme Letenaille, quoi. Je sais pas. Comme au pluriel. Fil. Oui, merci. En pluriel, raisa.net. Et voilà. Et toi, tu as eu une petite annonce à faire avant qu'on mette le dernier morceau de musique, c'est ça? Ouais, moi j'ai une annonce à faire en lien avec une collective féministe qui s'appelle Les Sampianes à Saint-Étienne, qui organise du 4 au 9 mars différents événements autour du 8 mars et de la journée de lutte de droits des femmes et des minorités de genre. Et du coup, il y aura une soirée de concert le vendredi, il y aura du théâtre, il y aura des projections. Et j'ai pas toutes les dates et le programme en tête, il est en train d'être fini, de boucler. Mais vous pouvez aller voir sur Facebook le groupe des Sampianes, S-A-M-P-A-P-I-A-N-E-S. Ou sur le numéro 0, logiquement, ce sera diffusé par là et sûrement par mail à certains réseaux. Voilà. ça va être super. Ouh. Allez, on écoute un dernier morceau. Voilà, et on écoute un dernier morceau. Pour rappel, on est sur Radio Dio et c'était Comme un ouragan. Le troisième dimanche de chaque mois et on vous redonne rendez-vous le 15 mars prochain à 19h en direct. Voilà, gros bisous, bonne soirée à tous, toutes. Bon dimanche. Die so heiß sind wie Crackküchen. Du checkst die Hälfte, weil du nicht echt bist. Ich versuch mich zu legalisieren, indem ich rappe, wie illegal wir sind. Kurwa, mein BH ist aus Kevlar. So prallt euer Hass ab an der Schwester. Erzähl mir nichts von Hard Knock Life. Mein soziales Umfeld findet Nadeln geil. Ah, braunes Blut in den Adern. Hier hast du was erreicht, wenn du umsteigst auf weiß. Krank oder? Sag mal, das ist der Frankfurter Alltag. jegliche Schellen des Schicksals. Schwester, bitte, geh du den geraden Weg. Du weißt doch, ich kann das nicht. Schmerz in meiner Brust sticht, weil es ohne Rot nicht für Frauen wie mich kein Brot gibt. Realität, Leben, Schwester, täglich überleben. Kevlar, beten, schützt meine Seele vom Teufel. Blau nicht mein Feind, Rot nicht mein Zeuge. Realität, Leben, Schwester, täglich überleben. Kevlar, beten, schützt meine Seele vom Teufel. Blau nicht mein Feind, Rot nicht mein Zeuge. All die Reime, die ich sage, bezeugen die Zweifel, die mich plagen. Und du fragst Schwester Eva, ob sie glücklich ist. Mein Herz ist groß, auch wenn ich tödlich spit. Zu viel gesehen, zu viel erlebt. Verarbeit die Bilder in paar Reimen wie Schiller. Bring es dann on point. Doch ihr wollt mich in ein schlechtes Licht drücken wie some point. Wen kratzt das schon? Platzpatron. Meine Crew macht Millionen Coups, Depressionen pur. Wenn ich hör, was bei euch so passiert. Alles oder nix hat den Deutschrap rasiert. Kommen High Heels, Tight Jeans und 3G's. Voller Nutten und Pesos aus Frankfurter Ghettos. Was rappst du? Ich seh, du wirst bleich. Guck weiter Filme, wir leben den Scheiß. Realität, Leben, Schwester, täglich überleben. Kevlar, beten, schützt meine Seele vom Teufel. Blau nicht mein Feind, Rot nicht mein Zeuge. Realität, Leben, Schwester, täglich überleben. Kevlar, beten, schützt meine Seele vom Teufel. Blau nicht mein Feind, Rot nicht mein Zeuge. Shine. Gotta move a little quicker in the march of dimes. Click, click, boom, slow-mo explosion. Tossing bottles into digital oceans.